Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Il y a longtemps, très longtemps, bien avant la merveilleuse invention de la tongue, Alexandre le Grand, immense conquérant grec originaire de Macédoine, oui, comme la salade, régnait sur la quasi-totalité du monde connu. À sa mort, en 323 avant notre ère, ses généraux se partagent son empire, comme ça, comme un gros gâteau. Parmi eux, Ptolémée Ier, grec lui aussi, obtient la province d'Égypte. Commence alors une longue dynastie de Ptolémée. Après le numéro 1, j'appelle le numéro 2, puis le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, et enfin le 12. Ptolémée 12, mesdames et messieurs! Oui, enfin bon, on n'est pas au siècle non plus, hein? Trois cent longues années s'écoulent, durant lesquelles l'Égypte est gouvernée par des Grecs. Mais un jour, un sérieux danger apparaît. De l'autre côté de la Méditerranée, l'Empire romain a faim et dévore tout ce qu'il a sous la main. Mamma mia ! Vont-ils bientôt porter la totoge, les descendants des glorieux pharaons ? C'est sans compter sur le courage, l'intelligence et l'audace d'une reine exceptionnelle qui n'a qu'une obsession : restaurer, reconstruire. Et on peut même dire, ah oui, rebâtir la puissance de son pays. Cette reine s'appelle Cléopâtre. Rebâtir, plâtre, vous me suivez? Bref. Pour protéger son pays, Cléopâtre, reine parmi les reines, femme de tête, stratège d'exception, doit naviguer en eau trouble, dans un monde rempli de tigres et de serpents. Prépare-toi à embarquer pour une folle saga en 2 épisodes. Oui, je sais, 2 épisodes, c'est peu pour une saga. Oh, mais je fais ce que je peux. Il y aura de l'or, de l'amour, de l'ambition, des complots et des morts noyés dans le Nil. Voici l'odyssée d'une souveraine au tempérament de feu, sur laquelle circulent tant de légendes qu'on a parfois dit un peu n'importe quoi. Voici l'odyssée de la reine, Cléopâtre. C'est une nuit de velours, posée sur la mer, quelques minutes avant le lever du soleil. Au loin, un immense phare brille d'un feu qui ne s'arrête jamais. Nous sommes au nord de l'Égypte, à Alexandrie, ville merveille qui étend ses longs bras de la mer Méditerranée jusqu'au Nil. Et tiens, oh, si l'on pouvait grimper là, maintenant, sur le dos d'un goéland fou, oh, je vous promets qu'on en prendrait, mais alors, plein les mirettes. Oh, ah bah justement, en voilà un. Oh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Oh, nous volons au-dessus de la ville. Juste en dessous de nous, Alexandrie s'éveille. Ici se croisent tous les peuples de la Méditerranée, des Gaulois, des Macédoniens, des Juifs, des Arabes, des Perses, des Romains. À la fois grecque et égyptienne, Alexandrie est une ville où partout s'élèvent de somptueux bâtiments, des théâtres et des temples spectaculaires. Et là-bas, au nord-est, s'étendent de magnifiques jardins et de riches palais. C'est dans l'an 2, autour de moins 69, qu'est née Cléopâtre. Et d'ailleurs, oui. oui, c'est elle qui ronfle là. Cléopâtre. Cléopâtre. Cléopâtre. Bon, il n'y a pas le choix. Hein? Quoi? Ah, ça y est, vous êtes là. Mais quelle heure est-il? Oh non, je dois filer à la bibliothèque. Ah bon, déjà? Mais je viens à peine d'arriver. Suivez-moi. Vous ne serez pas déçus. Allez hop, en route, mauvaise troupe. Oula, faut que je me grouille. Eh ben c'est parti. Cléopâtre VII appartient à l'illustre lignée des Ptolémées, ces rois grecs qui gouvernent l'Égypte depuis près de 300 ans. Elle est donc à la fois grecque et égyptienne, descendante de rois et de pharaons. À ce titre, elle reçoit une éducation extrêmement pointue. Cléopâtre maîtrise de nombreuses langues, le grec, l'araméen, l'éthiopien, l'arabe, l'hébreu et surtout l'égyptien. Oh, ça y est, nous y sommes. La grande bibliothèque d'Alexandrie. Entrons. C'est la plus belle bibliothèque du monde, censée contenir tous les savoirs humains. Entre ses murs seraient entreposés plus de 500 000 rouleaux de PQ. Ah non, de papyrus. C'est ici, et nulle part ailleurs, que la circulation sanguine a été découverte. Ici qu'on a trouvé, à peu de choses près, la circonférence de la Terre, et que le calendrier bissextile a été inventé. Franchement, pas mal. Alexandrie brille de mille feux et attise les convoitises. Oula, il y a de l'écho. Pour calmer les ardeurs de Rome qui veut dominer la Méditerranée, en moins 58, le père de Cléopâtre, Ptolémée XII, a une idée. Et si je leur faisais un cadeau à ces patates en sandales, pour qu'ils me lâchent un peu la grappe? Ouais, mais bon, il faut que ce soit un très très beau cadeau. Eureka, l'île de Chypre. Erreur. Grosse erreur. L'île de Chypre, située au sud de l'actuelle Turquie, les habitants d'Alexandrie y sont très attachés. Aussitôt, la foule se rebiffe contre le roi. Au milieu du chaos, Bérénice, sa fille aînée, en profite pour prendre le pouvoir. Ptolémée XII n'a d'autre choix que de fuir. Il prend Cléopâtre et ses deux jeunes frères sous le bras et zou, vogue la galère en direction de Rome. Rome? C'est là qu'il se réfugie? Eh oui, ennemi, ami, ami, ennemi, bah tout ça, ça dépend du point de vue. Hein. Cléopâtre a 11 ans. Elle comprend que la politique est un monde violent où personne ne se fait de cadeaux. Surtout lorsqu'on a le même sang. À Rome, Ptolémée manigance à gogo pour retrouver son titre. Il fait pleuvoir de l'or, il achète l'amitié des sénateurs, des consuls et ça marche. Protégé par Rome, Ptolémée XII retrouve le trône d'Égypte. Mais à quel prix? Les rues d'Alexandrie grouillent désormais de soldats romains. Le roi n'est plus maître en son royaume. Pour asseoir son autorité, il fait zigouiller sa fille, Bérénice. Oh, bonjour l'ambiance! Tout cela, les erreurs de son père, la fuite, l'humiliation, les trahisons et le sang qui coule, restent à jamais gravés dans la mémoire de Cléopâtre. Et lorsque Ptolémée XII décide de l'associer au pouvoir, c'est une jeune fille en acier trempé qui entre en politique. Cléopâtre, 18 ans, ne se fait pas d'illusions, elle connaît l'histoire et ne manque pas d'ambition. Mon pays a 3000 ans. Le peuple égyptien a construit les grandes pyramides. Jadis, Alexandre le Grand régnait jusqu'aux portes de l'Inde. Alors oui, c'est vrai qu'on a un peu perdu de notre gloire ces derniers temps, mais grandiose, nous pouvons le redevenir. Oui, les yeux de Cléopâtre brillent du feu de la puissance. Elle veut protéger son pays et le sauver des griffes romaines. Patience, un jour, elle seule dirigera l'Égypte. Oh, et ben ça va peut-être arriver un peu plus tôt que prévu, cette affaire. En moins 51, Ptolémée XII meurt. Le problème, c'est qu'il désigne deux successeurs dans son testament. Comment ? Mon père exige que mon frère et moi régnions ensemble. Une femme seule aux commandes, c'est trop demandé ? Purée, mais le moutard a 10 ans ! Qu'il retourne jouer à la baballe pendant que je gouverne l'Égypte ? Il y a du boulot en plus ! Notre père a vidé les caisses ! Les récoltes sont mauvaises, rien ne va ! Et ainsi, Cléopâtre écarte Ptolémée XIII du pouvoir. Oui, enfin alors, vous oubliez de dire que j'ai tout de même dû l'épouser. En effet, c'est la tradition. Pour conserver la noblesse de sang, chez les pharaons, on se marie entre frères et sœurs, comme les dieux Isis et Osiris. Les trois premières années de règne de Cléopâtre sont difficiles. Qu'importe, elle sait y faire. Et tandis qu'elle tente de remettre son pays sur les rails, son petit frère grandit, et son orgueil aussi. Le pouvoir, Ptolémée XIII le veut comme sa sœur, pour lui seul. Et c'est reparti pour une nouvelle guéguerre de famille. Le pays est à feu et à sang. Cléopâtre, qui craint pour sa vie, se réfugie à l'étranger, en Syrie. C'est dans ces années-là qu'un consul de Rome, extrêmement ambitieux, débarque à Alexandrie, escorté par 3000 légionnaires. Son nom ? Jules César, pardi ! Nous sommes à moins 48. Celui qui a déjà conquis la Gaule veut soumettre l'Égypte, pour de bon. L'Égypte produit du blé à gogo. Rome pourrait en avoir besoin. Et si moi, César, j'arrivais à prendre le contrôle du pays, quelle gloire je pourrais en tirer ! Enfin oui, pas pour moi tout seul, pour le peuple de Rome. Parce que c'est pour eux que je fais tout ça, bien sûr. Pour établir l'ordre, le consul et impérator romain tentent de rabibocher Ptolémée XIII et Cléopâtre. Sans succès. Mais Cléopâtre, la reine d'Égypte, ne compte pas en rester là. Elle doit parler à Jules César, croûte que croûte. L'affaire n'est pas aisée. Alexandrie est aux mains de son frère et de ses sbires. Si l'un d'eux l'attrape, c'est quick. Tant pis. Cléopâtre l'audacieuse voyage secrètement jusqu'aux portes de la capitale égyptienne. Un moment crucial de l'histoire est sur le point de se produire. Dans quelques instants, deux titans, deux égaux démesurés, deux ambitions extraordinaires vont se rencontrer. Oula ! Ce genre de choses, ça passe ou ça casse ! Explosion ou pluie d'étoiles ? Que va-t-il se passer ? Pour tromper les gardes du palais, Cléopâtre se cache. Où ? Comment ? Eh bien, sur ce point, l'histoire cède le pas à la légende. C'est la nuit. Un homme se présente devant le palais d'Alexandrie, un tapis roulé sur son épaule. C'est un cadeau pour César. Je dois lui remettre en main propre. Les gardes hésitent, mais notre homme insiste. On le laisse passer. Le voici devant César. Le général est impressionnant. Grand, environ 50 ans, le visage pâle, impassible. Eh bien, qu'apportes-tu au nouveau maître de Rome ? À ces mots, le messager pose le tapis à terre et le déroule. Cléopâtre apparaît alors et le transperce de ses yeux noirs, brûlant de bravoure et d'intelligence. Je suis venu jusqu'à toi, oh César. Vas-tu maintenant m'écouter ? César, et bouche bée. Quelle femme, quel cran ! La suite se passe. Derrière des portes closes. Le lendemain, lorsque Ptolémée XIII se pointe pour un entretien avec César, il trouve sa sœur, attablée avec le consul, en train de prendre le petit déjeuner. Alors le mouflet, on a perdu sa langue ? Retourne faire joujou. Allez, oust ! Du balai ! Ptolémée XIII, fou de rage, soulève le peuple contre Jules César. Nous sommes en moins 48. Alexandrie est de nouveau sans dessus-dessous. Encerclé de tous côtés, César doit s'enfuir à la nage et finit par l'emporter in extremis. Quant à Ptolémée XIII, il se noie mystérieusement dans le Nil. Cléopâtre a gagné. Elle a neutralisé son frère. Elle a changé le cours de l'histoire. C'est elle désormais que soutient César. À 21 ans, elle devient reine et pharaon d'Égypte. Notre héroïne sait qu'il est dorénavant inutile de lutter contre Rome. Pour conserver le pouvoir et assurer la prospérité de son pays, elle doit gouverner main dans la main avec Jules César. Une nouvelle ère commence ! La suite au prochain épisode. Derrière cette odyssée, il y a Fanny Leroy, Marion Lelay, Basile Bocquer, Tanguy Pasturo, Loïc Frapsos, Aline Afanokoé et moi, Laure Gébé. Cléopâtre, comme je te l'ai dit, parlait plusieurs langues, dont l'égyptien. C'était d'ailleurs la seule dans toute sa famille à le parler. Et oui, à cette époque, tous les puissants s'exprimaient.